Un paysan qui fait du kung-fu, un roi qui fait du kung-fu, des chevaliers qui font du kung-fu, un magicien qui fait du kung-fu. Cette semaine, on a maté King Rising et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à King Rising de Yu Bull. Je sais même pas comment ça se prononce. C'est horrible. C'est aussi beau comme prénom que son film. Ça revient très à la mode, hein, Yu. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Julie. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Barbara. Bonsoir, Barbara. Bonsoir. Est-ce que tu peux parler plus près de ton micro, juste vraiment top. Et Greg, bonsoir Greg. Bonsoir. Ça va Greg? Ça va. Et enfin Mickaël, bonsoir Mickaël. Bonsoir Antoine, non, bonsoir Antoine. Enfin. Je l'adore celui-là. Ouais, merci, comment c'est bien. Cette semaine, on parle de King Rising, sorti en 2007 de 127 minutes. Réalisé par Yu Bull avec Jason Statham, Lily Sobieski, John Rhys-Davies, Ron Perlman, Christina Loken, Ray Liotta et Burt Reynolds. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait terriblement à ça. Créatures de Galgan, mettre le pays à feu et à sang. Sacrilège. Les forces du mal se réveilleront. Votre roi a besoin de vous. L'armée est là pour protéger tout le royaume. Et pas que le château. Un seul guerrier leur tiendra tête. Galgan réunit toute une armée, une vaste armée. Après Pathfinder et Eragon. Ceux contre qui vous luttez, nous voulons vous aider à les combattre. Un nouveau héros, une nouvelle épopée. Même une force modeste peut percer la barrière formée par les Krugs et venir à bout du problème assassin. Alors, avant même que vous preniez la parole, je vais commencer cette émission par une anecdote. En fait, il y a un mec qui est venu voir Yu Bull et qui a fait « Est-ce que ça te dit de faire le Seigneur des Anneaux en super nul ?» Il a fait « Ok, faisons-le !» Et on va appeler ça King Rising. Est-ce que vous avez aimé cet enfer ? Alors moi, j'en ai marre. Après Sharknado, je ne peux plus. Ouais, là, on vient de s'en prendre deux d'affilée, c'était costaud. Non, mais Sharknado, c'était bien. Ouais, enfin, ça, c'est vraiment nul, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment terrible. Et alors, le gros coup de gueule, c'est que j'adorerais Jason Statham, quoi. J'adorais tous les films de Jason Statham, mais alors là... Ouais. Moi, je vous avoue quoi. Que ça a été vraiment très, très, très, très difficile et que... J'ai failli m'endormir, si ce n'est, peut-être. Mais moi, j'ai mais ça, c'est ton manque de professionnalisme. Ça, non, vraiment. Pourtant, j'ai une bonne endurance sur ce genre de film, mais c'était très, très dur pour moi. Moi, j'ai vomi, ouais, deux fois. Surtout, j'aimerais bien qu'on en parle. Combien durait le film que vous avez vu? Deux heures. Le mien durait effectivement 127 minutes. Alors moi, j'ai eu une version de 2h30. J'aimerais savoir pourquoi. La chance. Ouais, ça, j'ai pas très bien compris, parce qu'effectivement, j'ai pu voir sur le... T'as une version ralentie, peut-être. j'ai pu voir sur le... Non, c'est juste qu'ils ont mis deux fois les 30 dernières minutes. c'est pour ça que ton magicien revivait, ouais. Non, j'ai pu voir, effectivement, que la durée du film était 2h30, et moi, j'étais surpris qu'en fait, il durait que 2h. Mais en fait, je crois que c'est le director's cut. Parce qu'en cherchant les anecdotes de ce film, je me suis aperçu qu'il y avait un autre director's cut de 3h30. Oh, putain. Il me faut. Il faut qu'on se procure cette bobine. Je vous encourage vraiment à regarder ce film en version 3h30. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu le leader prize de l'heroic fantasy. Quoi. J'ai un petit peu le Lidl même. Ouais. J'ai un petit peu béni l'inventeur de VLC et quand il s'est dit tiens, si on faisait une option avance rapide. Et moi, c'est la première fois que j'ai fait appel à l'avance rapide. Ah, bah, tu vois, on enregistre des on le fait de plus en plus, ouais. Ouais. Moi, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai fait les trois quarts du film à 130%. Ouais. C'est triste. Alors moi, ce qui rendait les scènes de combat assez intéressantes. Pour donner mon avis, bon, je dois dire que j'ai été un peu embêté puisque j'ai emprunté le DVD à la bibliothèque. Et je suis, bon, évidemment, le bibliothécaire s'est trompé. Il m'a donné un épisode de Kaamelott, mais drôle. Non, très honnêtement, j'ai regardé ce film dans le train. En fait, je m'amusais plus à regarder le paysage. En fait, c'était plus intéressant que le film. Finalement, ouais, c'est vraiment un paysage. Déjà, la campagne bourguignonne, vraiment nul. Quoi. Déjà, les paysages de ce film, la plupart sont réalisés par FX2000. je crois. Hein, les salut, les mêmes de Sharknado. sacré équipe. Hein. Une bonne équipe. Non, les costumes aussi. Les costumes de Krek sont faits par Costume2000. Ils coûtent super cher ces costumes. J'ai regardé en me baladant dans les anecdotes. Pareil, il y en avait à plus de 10 000 dollars. Hein. C'est alors, énorme. Alors, pour ceux. Tout le budget du film, d'ailleurs. Déjà, je vais juste faire un point casting qui est hallucinant. Ouais, le casting est... J'ai eu plein d'acteurs en plus que j'aime bien qui ont vraiment très mal fini parce que c'est horrible de les voir dans... Tu parles des problèmes de peau de Ray Liotta, non? Putain. Ah, c'est Ray Liotta, j'ai cru que c'était un des frères Bogdanov. Non, mais t'as vu la gueule qu'il a? On dirait un sosie d'Elvis, tu sais, un sosie loup. Non, mais. Ouais, surtout avec ses costumes, quoi. Non, mais attends, il a eu une maladie, il a eu des problèmes, il sait quoi son. Non, mais pourquoi, pourquoi tu me regardes? Je suis pas consultante en vie privée de star, quoi. Enfin, je cherche des anecdotes sur les films. Pourquoi elle est là alors? Bah, attends, tu fouillais les poubelles de Gilles Lelouch. Non, mais non, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais. Il a toujours une mauvaise peau, il a probablement eu une acné précoce. Et Roaccutane, il l'a pas fait. Hein. Est-ce que quelqu'un résume l'histoire de ce film? Moi, je fais pas ça. Hein. Déjà, je l'ai vu, c'est déjà pas mal. Hein. Michael, alors, c'est vrai que tu résumes jamais les histoires. Eh ben, je vais le faire. Alors, tu me mets au défi, je le fais. Eh ben, fais-le. Bon, bah, allons-y. Histoire 2000, hein, vous allez voir. Michael, c'est bien fait. Alors, ça commence. La dernière alors fois que t'as raconté une histoire, c'était Hackers, ça avait duré 9 minutes et j'avais encore moins bien compris que le film. J'essaie de faire une Willow. Tu me mets au défi, je vais le faire. Alors, je vais le faire. Alors, je me lance. Hein. Je viens lire mes notes, moi, en ce moment. En même temps. Si vous avez des choses à faire, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas. Pas qu'à vos occupations, revenez dans 10 minutes. Et en fait, c'est l'histoire d'un magicien. Oh merde. Ça démarre. Qui a une mauvaise peau. Le mec, il est capable de faire n'importe quoi, mais pas de soigner sa peau. C'est vrai qu'il a pas mal de pouvoir, il aurait pu déjà s'occuper de sa propre c'est gueule. C'est volontaire, visiblement. Ouais. Qui est en fait de connivence avec le neveu du roi. Ouais, c'est le... Il va falloir les interrompre, hein, les filles. Hein. Bon, en gros, c'est moi. Il a une connivence. Oh là là. On va jamais y arriver. Avec le neveu du roi. Non mais. Okay. Donc, c'est un fermier qui tue tout le monde avec des ordres qui se battent, quoi. Non. Non, en fait, ils veulent faire tomber le roi. Donc ils prennent le contrôle. Le pousse. Donc alors, du coup ils prennent le contrôle d'une armée de Krugs. Tout le monde, c'est une solution qui d'ailleurs, les Krugs c'est quand même connu. Vous vous souvenez de vos cours de quatrième? C'est aussi une marque de chaussures en plastique. Bah oui, une armée de chaussures en plastique. Et en fait, ils attaquent le royaume du roi en faisant croire que c'est les Krugs. Et du coup, heureusement, il y a un fermier qui a pris le coup de fou, qui maîtrise toutes les techniques de close combat et qui tabasse tous les Krugs. Alors, je crois que c'est un bon résumé, on va peut-être s'arrêter là. Donc, ça, en plus, quand t'as résumé, c'est juste les deux premières phrases. C'est plus un film. Alors, du coup, c'est clair, non? En résumé, pour ajouter quelques petites informations, donc Farmer, qui porte bien son nom puisqu'il est fermier, qui est joué par Jason Statham, vit avec sa femme et son fils qui s'appelle Zeph, donc Vent, donc petit Vent, petit Vent, voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et donc, il y a une invasion de Krugs et son fils meurt et sa femme disparaît. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il doit aller tataner. Plus personne ne m'écoute. Il doit aller. Il y a l'auditeur à Strasbourg qui t'écoute encore. Et donc, il doit aller tataner la gueule. Jason Statham. Jason Statham la gueule du magicien et de l'armée de Krug. C'est assez ça, simple, hein. C'est ça. Du magicien qui a. Bah, j'ai trouvé qu'il avait une mauvaise peau. Farmer, il a l'air vraiment sympa comme Vin Diesel, tu vois, dans un film. Dans film quoi. Je trouve qu'il a un potentiel sympathique quand même qui est assez cool. Hein. Ah bon? Vous sympa? J'adore. Non, dans celui-là, il sourit pas beaucoup. Il sent que c'est un mec sympa. Il sourit jamais vraiment. Au moins beaucoup, souligner tu sais une peau qu'il a des nickel. Valeurs. Ah oui, il pue les valeurs là dans ce film. Putain, ça sentait dans le salon. Oh là là, les valeurs là, il y en a autant que dans Sharknado. Il a tellement de valeur qu'il veut même... Il y a quand même plus de requins que de valeurs. Hein, mais... Il y a moins de requins dans... C'est valeur nado. C'est en note de valeur. Donc le film s'ouvre sur Jason Statham qui est dans son champ avec son fils et qui cueille des radis. Non, c'est des navets. Moi, je suis pas d'accord. D'ailleurs, je trouvais que c'était une belle mise en abîme d'un tuto sur les navets pour un film navet. Enfin, non. Alors, on est vraiment dans un univers de fantaisie puisque les fruits sont en plastique. Ils ont vraiment une sale gueule, ces radis. Mais c'est pas des betteraves à sucre. Alors, moi, j'ai noté un point de détail. Son fils est très moche. Oh, ben ouais. Non, il est mignon. Ça va, il y a pire. Bah, lui aussi est très moche comparé à sa femme, quand même. Elle est très belle. C'est Claire Forlani. Elle joue dans Rencontre avec Joe Black. Elle joue dans Boys and Girls. Elle joue dans... Dans King Rising. Loves in the Kitchen. Elle joue dans... Non, elle joue dans plein de trucs. Elle est super belle, cette meuf. Ouais, elle est très, très belle. J'ai l'impression de l'avoir vue dans un film, mais... C'est pas Rencontre avec Joe Black ? Ben non, parce que j'ai pas vu. J'aimerais tout de suite qu'on fasse un point boomerang. Alors là... Moi, petit, j'avais un boomerang. Est-ce que l'un d'entre vous, ici, en avait un et avec... Figure-toi que j'en ai acheté un cet été. Il est jamais revenu. C'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai fait au large de la forêt. Non, alors il faut savoir qu'un boomerang, déjà, ça revient quasiment jamais. Et c'est pas un boomerang comme dans Zelda où il part et il revient exactement dans la même direction en faisant un demi-tour à un moment donné. C'est une très belle courbe. Ouais, mais enfin, ce qui est très fort surtout, plus que de le rattraper, c'est de tuer des crocs avec. À l'origine, ce boomerang lui sert à chasser les corbeaux. Ouais, et il faut savoir que quand un boomerang touche quelque chose, la probabilité qu'il revienne est vraiment encore plus faible. Mais il y arrive quand même. Alors là, il y a une scène. Et là, il coupe des lianes aussi le boomerang. Ouais. Il y a une scène où ça va taper trois crocs et il va le rattraper quoi. Ouais, non, là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. On est tous d'accord pour dire qu'il est très bon boomerang quoi. Ouais, c'est un boomerang convenable. Ouais. Ensuite, il y a Hellboy qui arrive parce qu'il recrute. Ah, j'adore, c'est Ron Perlman. Ouais. Oui, bah, c'est le mélange entre Jean-Claude Castaldi et Peter White. Ouais, c'est ça. Jean-Claude Castaldi. Jean-Claude Dreyfus. Ah non, mais attends, t'as vu la mâchoire du gars. Ah, il est ouf. Mais il est super, cet acteur. Jean-Pierre Castaldi. Il joue quoi? Il joue dans Hellboy, Le Nom de la Rose. Il joue dans Drive. Il joue dans les films de Jean-Pierre Jeunet aussi. Ouais. Ah bah c'est oui, c'est ça. Là, je dis ouais, mais genre, ça serait tout pour rien. Greg, c'est un très bon valideur d'anecdotes. Oui, tout à on fait. Parle ouais. Du celui qui a la mâchoire en triangle vers le bas. Oui. Donc, il recrute pour l'armée du roi, mais évidemment, Jason Statham, qui a beaucoup trop de valeurs, préfère protéger sa famille, ce qui a beaucoup de sens. Et surtout faire pousser des légumes, parce que c'est des valeurs qui sont simples. Ça, c'est des vraies valeurs de mec simple. Surtout quand tu t'appelles farmer, généralement, t'as pas beaucoup de choix. Et le mec est tout en bleu. Hein. Et est-ce que l'un d'entre vous l'a regardé en version originale? Non. Parce que j'aimerais bien savoir s'ils ont quand même. Ah, il s'appelle vraiment Farmer. Non, il s'appelle Fermier. C'est ça, ils ont inversé. Non, mais c'est sûr qu'il s'appelle Farmer, vu le niveau du film. Alors, il faut savoir que c'est un film. Il faut savoir que c'est un film américano-canado-allemand. Oui, j'ai vu. Mais avant tout allemand. Mais surtout très allemand, ouais. Il y a un côté très germanique, je trouve. Ouais, bah ouais, dans. C'est vrai. Alors c'est pour ceux qui se disent putain film tu vois heroic fantasy un peu Seigneur des Anneaux, il y a pas mal de scènes qui sont filmées caméra au point, ça n'a aucun sens tu sais pour donner un peu un truc action. Ouais, c'est assez déstabilisant. Les bastons sont vraiment nazes en plus. Alors parlons de bastons puisque là il va y avoir un combat de catch kung-fu avec les premiers crocs qui arrivent. Ouais. Ah, faut quand même décrire c'est quoi les crocs, il faut quand même. Alors qu'est-ce que c'est qu'un crocs? Vous voyez à peu près les orques dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, bah c'est pareil. Mais en plus nul quand même. Ouais. Donc c'est l'attaque des Krugs, sa femme elle est en détresse, donc elle court derrière les Krugs, on sait pas ce qu'elle devient, elle va se faire capturer, spoiler alert. La première scène de combat dure 20 minutes. Oh, c'est l'enfer. Ah ouais. C'est hyper long. 30 dans ma version je pense. Dans la ferme là. Ouais. Et c'est méga mou. Alors moi j'ai fait il tue un certain nombre de Krugs hein, quand même. Hein. Enfin, pour pas dire beaucoup. T'as fait un compte Krugs? Oui, il faut 760 Krugs pour tuer un humain. J'ai fait ouais, il y a des grosses pertes chez les Krugs, ouais. Il y a grosses pertes, ouais. Surtout qu'en fait, parce qu'on apprend en fait qu'ils se battaient pas à l'épée avant, parce que le roi dit oh, attention, les Krugs arrivent, en plus ils se battent à l'épée, donc avant ils devaient utiliser les cuillères. Avant, il y avait peut-être un million pour un homme, quoi. C'est ça. Mais ils n'ont pas d'archer. Non, ils n'ont toujours pas d'archer, par contre. Ouais, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Ils n'ont pas la parole non ils plus. Ont, enfin, ils n'ont pas, pas peur. Ouais. Ils ont pas peur, c'est déjà ça. Alors, il y a un truc qui est pratique, c'est que le méchant sorcier peut piloter des crocs via une interface. Ouais. C'est un truc assez unique. Qui fait vraiment penser, pareil, au Seigneur des Anneaux, avec les chevaliers de l'Apocalypse. Là, il y a un espèce d'effet qui est dû juste du copier-coller du Seigneur des Anneaux, en fait. Oh, je te trouve dur. Hein. Bah, je trouve qu'il y a quand même pas mal de création originale dans... D'ailleurs, c'est fait comme dans le Turkish Star Wars. C'est-à-dire que sur certaines scènes, ils ont projeté le Seigneur des Anneaux derrière. Parce que, évidemment, FX2000 n'avait pas envie de se faire chier à refaire des tourbillons de magie, quoi. Moi, le magicien méchant, on dirait vraiment un vieux magicien de cabaret, quoi, tu vois, genre un vieux copertique. Tu sais, il a une redingote en cuir. Il a une redingote en cuir, l'impression qu'il va faire un tour de cartes, le gars. Mais non, mais en plus, t'as vraiment l'impression, enfin, que sa redingote, elle est toute nickel et tout, t'as vraiment l'impression qu'il sort des années 2000, quoi, tu vois. Et donc ça c'était un peu nul quand même quoi. Et à chaque fois c'est David Copperfield. Ouais. Moi je l'ai appelé David Copperfield. Est-ce qu'on a précisé que le frère de l'héroïne de la femme de Statham, ouais, donc, juste c'est le sosie de Legolas. On mettra l'arbre généalogique hein, sur le site. C'est un mec donc avec les cheveux longs. S'il lui manque plus que les oreilles pointues, on dirait un elfe. Moi, je trouve un léger surpoids quand même par rapport à Orlando Bloom. Oh, c'est dur. Non, il a les joues un peu gonflées. Sans doute une allergie sur le tournage. Là, il va utiliser l'interface, le méchant, pour prendre le contrôle d'un Krugs à distance, pour volontairement aller tuer le fils de Jason Statham qu'il ne connaît pas. Bon. Ouais, il prend le big Krug, hein. Il prend pas un Krug, il sait qu'il pourrait passer inaperçu. Il prend le Shovel Krug puisqu'il prend celui qui est à cheval, Ouais. Et qui a un peu plus, qui a une tête un peu plus grosse, quoi. Mais qui est un peu bouffi lui aussi, sûrement, dû à des allergies de tournage, peut-être. Une mauvaise peau aussi. Elle a une mauvaise peau, Rayota, franchement. Et donc là, il tue le fils de Statham sans raison, pauvre fils. Ah bon? Et j'ai pas vu ça, moi. T'as pas vu ça? Trop vite, je pense. T'as pas vu ça? Non, mais toi, tu commences à regarder avec des sacrées vitesses, je pense. T'as pas vu qu'à un moment, il creusait, il avait un bon coup de pelle, d'ailleurs. Un bon coup de... Ouais, si. Il jardinait pas, il faisait plus les navets. Non, tu me dis, ça me dit quelque chose. Non, mais là, en plus, cette scène, elle est trop marrante, parce que son fils, franchement, il... Il est emballé genre comme de la viande dans un filet, c'est hyper joke, et il creuse la tombe tout seul en faisant la gueule et blam, il jette le truc dedans. Je fais, non, c'est pas un très bel enterrement ça quand même, tu vois. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu triste. Ouais, c'était triste. Hein. Globalement, ce film est triste. Hein. On t'as beaucoup ri toi, Greg, là sur ce film. Non, je crois pas. Non, j'ai même pas noté. Non, j'ai pas ri. Non. Non, t'as pas ri. Pas du tout. Donc le village de Bridgestone s'est fait attaquer malheureusement. Le fils de Statham est mort, c'est à peu près la seule perte recensée. Sa femme a disparu. Non, mais les parents de sa femme, ils meurent aussi. Tu prends pas son linge, on a l'impression que tu défends le film. Non, mais tu peux pas dire qu'il y a pas de perte. Pour le coup, c'est pas vrai. D'accord. Bah, si, il y a quand même 4 humains pour 1967. Mais je ne défends pas ce film, je tiens à le souligner. Là, le roi, il arrive. Et Jason Statham, il monte dans les tours, même face au roi. C'est-à-dire, le gars, c'est le petit paysan, mais face au roi, vraiment. Full valeur, quoi. Alors là, c'est full valeur et il sent turbo bat les couilles du roi. Habitants de Stonebridge, les armées du royaume d'Eb compatissent à votre douleur. Les crimes qui vous ont frappé seront vengés. Que faisait l'armée pendant que les Krugs nous massacraient? Paysan! Tu ne sembles pas savoir à qui tu viens de parler. Dans le monde d'où tu viens, on ne s'incline pas devant son roi. Dans le monde d'où je viens, l'armée est là pour protéger tout le royaume. Et pas que le château. Et ceux qui ont été enlevés par les Krugs. Les Krugs ont fait des prisonniers. Silence! S'il est vrai qu'ils ont emmené des gens avec eux, nous ne savons pas encore quelles sont leurs intentions. L'armée royale enrôlera tout homme qui sera en mesure de se battre. Qui veut nous rejoindre? Le roi a ses troupes qui veillent sur lui. Les prisonniers ne peuvent compter que sur leur famille. Vous osez braver les désirs de votre roi? Je suis fermeur. Garde! Laissez-les partir. Je ne retiens personne par la force. Donc voilà, Antoine, tu peux remettre l'extrait une deuxième fois. Il y a des choses qui m'ont échappé. Je vais réécouter. Donc voilà, c'est un royaume où tu peux vraiment dominer ton roi sans crainte, quoi. Sauf quand ça va changer de roi, parce qu'à mon avis, sera pas dominé. Le prochain roi, je peux te dire que t'as pas trop envie de le... Est-ce qu'on peut faire un petit point VF et dire quand même qu'il y a la voix de Morgan Freeman, mais qui est pas du tout sur Morgan Freeman? Ça vous a pas troublé, ça? Pendant tout le film? Non. Non? Ok. Moi, il y a d'autres choses. On ferme le point VF, alors je suis désolé, mais... Moi, ce qui m'a gêné un peu, c'est, en tout cas, dans la version doublage 2000. Ouais, la peau de Rayota, ouais. C'est comme l'autre avec sa redingote, moderne, et c'est que des fois, il parle ultra moderne. Limite, il parle en verlan. Ouais. Et après, c'est ultra soutenu, quoi, genre, langage de roi, quoi. Vous avez pas noté ça? Non, mais tu sais, même dans la cour du roi, il parle genre, mais vous l'avez vu là ou pas? C'est genre... Il est où le farmer là? Tu l'as vu toi, farmer? Bah, tiens, va donc me le chercher. Couillon. Et moi, c'est la VF de ce film qui m'a sauvé le film, hein, parce que pendant une demi-heure, je cherchais qui avait fait la voix de qui dans d'autres films. Enfin, ça m'a bien occupé. Moi, j'ai pas du tout le temps de m'ennuyer, puisque la session d'après, ils partent faire de l'acrobranche en forêt. Oh putain. Ouais. Alors pour une scène à la fois drôle et humide, puisqu'ils vont tomber dans l'eau. Génial. Ils vont tomber dans l'eau. Ouais, ouais, tu sais. Mais oui, putain, mais vous l'avez regardé à quelle vitesse ce putain de film? Ils se font trop chier à essayer de passer un pont et en fait, finalement. Tu peux tomber dans l'eau sans crainte. Ce qui est complètement débile. Il descend la pente en deux secondes de l'autre côté. Ce qui est complètement débile au début, c'est que Farmer, quand il voit le ravin, il fait on va pas descendre, on va perdre une demi-journée. Bah en fait il tombe et puis en 10 minutes Farmer, même pas en 20 secondes, ouais, Farmer il redescend tout d'un coup. Mais genre bah elle est où ta demi-journée là, t'es censé perdre 2 heures au moins pour la descente. Enfin bon. Oui, ils font la tyrolienne en fait, c'est ça. Ouais, ouais. Ensuite on va faire un petit point cour du roi, puisque alors comme dans, comme dans tous les films un peu médiévaux, autour du roi, il y a une cour. Il s'avère que dans ce film elle est composée de 3 personnes. De 3 tocards. Non, c'est 4. Ouais. Quatre. Et alors, il y a le neveu du roi méchant qui est Crapule. Le gars de Hackers. Le gars de Scream. Il joue dans Hackers? Bah oui, ah, c'est celui qui est comme. Voilà, vous voyez pas. Mais non, sérieux? Bah évidemment, non, Julie. Bah, Julie s'est endormie. Hein. Bah si, mais... c'est le. Mais c'est trop pas lui. Mais bien sûr que si. Il a pas un ordi dans le film. Bonne live. Donc lui, il est insupportable. Il pue le méchant, ça, c'est la vraie Crapule. Il y a le sorcier. C'est le gars des Sliders, les mondes parallèles. Ouais. C'est lui qui a la voix de Morgan Freeman. Ouais. C'est très troublant. Putain, je l'ai vu là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ici? C'est aussi lui qui fait Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais? Bah ah bon. Eh ouais. Et ben d'accord. Comme quoi. Et ensuite, il y a la fille du sorcier qui va servir à pas grand-chose. La fille du sorcier, c'est elle qu'on voit en premier en plus. Ouais. Enfin, moi, Ah oui, on n'a pas parlé de cette scène d'intro qui sert à rien, quoi. Si, à introduire les problèmes de peau de Ray Liotta. Oui, c'est la fille du sorcier gentil. Ah oui. Oui, la fille du sorcier gentil, oui. C'est juste pour dire qu'elle sort avec le sorcier méchant. Elle nique avec le sorcier méchant. Ouais. C'est dégueulasse. Fin des bails. Elle nique. Fais la chose. Fais la chose. Les enfants qui nous écoutent. Ensuite, on rappelle aux enfants de prendre les pilules. Il y a une scène qui m'a fait hurler de rire, c'est-à-dire qu'après, donc la communauté de l'anneau avec Jason Statham et ses deux potes, ils doivent traverser une forêt que personne n'a jamais traversée car il y a des créatures étranges, mais on ne sait pas. Globalement, à chaque fois qu'ils rentrent dans un nouvel élément, déjà il y a une nouvelle musique, bon une musique de Heroic Fantasy, et à chaque fois personne n'est jamais passé par là. C'est la première fois. Et eux ils le font quand même. Et là ils se font attaquer par du lierre vivant. Et il tombe sur le peuple des lesbiennes berlinoises des forêts. Genre des meufs qui ont des looks pas possibles de punk. Mais c'est des Amazones. Bah oui, c'est des Amazones, Antoine. Mmh. Bah, bien sûr. Je sais pas si elles ressemblaient à ça. Hein. C'est les Ewoks. Je pense que c'est clairement ça. Ah ouais, bah là, c'est signé. Et on reconnaîtra Christina Loken. Oui. Qui était déjà très belle dans Terminator 3, mais personne s'en souvient. Ah merde, c'était elle. D'accord. Oui. Alors, ce peuple, il explique très rapidement, et ça c'est très joli, le combat des êtres humains contre les Krogs ne nous regarde pas car nous sommes le peuple des forêts. Ce sera valable 15 minutes, puisque 15 minutes plus tard, ils vont se battre aux côtés des humains sans aucune raison. Ça me rappelle un peu l'histoire des arbres dans Le Seigneur des Anneaux. C'est à peu près exact. Yes, exact. Le mec, même les incohérences du Seigneur des Anneaux, il les a reprises. Ah, c'est pas mal cette idée. Moi, sur le coup, je me suis dit, les pacifistes qui vivent en forêt, ça y est, on est dans le Larzac, quoi. C'est des zadistes en fait les meufs. Gros virement choco dans le film puisque le roi se fait empoisonner. Non. D'ailleurs ils sont vraiment pas au point sur leur plan puisque le mec il empoisonne aussi le neveu qui fait partie du plan, donc c'est quand même super con quoi de pas se mettre d'accord quand tu vas empoisonner quelqu'un. Le neveu dit à Ray Liotta, ouais pour la tête pète les bouches de super. Oui Mickaël. Ah pardon. Mais qui êtes-vous ? Donc ensuite, une fois que le roi se fait empoisonner, il y a très vite un débrief sur un fond vert. Je sais pas pourquoi, il faut absolument aller débriefer tout en haut de la plus haute tour du château histoire de bien mettre en place le fond vert des films 2000. Vas-y, tout simplement parce que c'était fait dans le Seigneur des Anneaux. Et alors Statan qui sort de la forêt en parallèle a l'idée d'attaquer un camp de 1000 Krogs. Ah ouais d'ailleurs ça va, ils sont 3. Ça correspond à mes calculs. Il doit avoir tes chiffres puisque ils s'y attaquent, donc ils sont 3 contre 1000. À la base ils s'y attaquent pas, ils essayent de se fondre dans la masse pour retrouver son femme. En plus ils ont des déguisements mais méga différents. Voilà. Chez costume 2000 ils sont fondus. Mais sa femme qui s'appelle Sanana. C'est sa nana. Ensuite, Elodie, ton plan, je m'en fous. En parlant au roi, je vais chercher ma nana. Voilà. Ouais. Et ensuite, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que bon, ils vont se faire capturer, malheureusement, ça va mal se passer. Et parce qu'ils oublient de mettre le masque. Ils mettent tout le costume sauf le masque. Jason Statham, il va se prendre une session de pendaison express avec le méchant. Il va évidemment s'en sortir. Celle-là, elle était vraiment abusée, quoi. Et alors, les deux comparses de Jason Statham vont retrouver sa femme dans la prison. Mmh. Et du coup, il va y avoir un petit débrief puisque ils vont lui annoncer la mort son fils et de ses parents. Ils sont pas dans une prison, ils sont dans une calèche qui roule. Ouais, dans une prison éternelle. Mobile. Une prison mobile, ça s'appelle. Et c'est celle de Willow, tu sais. Ouais. Celle-ci, tu peux en sortir facilement. Et j'aimerais que vous écoutiez cet extrait, puisqu'il est diffusé, puisqu'en fait, elle va demander mais où est mon fils ? Et en fait, son frère, au lieu de lui annoncer qu'il est mort, il lui dit il est avec tes parents. Mais où ? Ils sont morts. Genre, ça sert à quoi de lui faire un ascenseur émotionnel sur l'hypothétique vie de son fils. Écoutez. Je croyais faire un cauchemar. Où est Farmer ? Où est Zeph ? Bastien, où est Zeph ? Il est avec nos parents. Il est avec eux, mais nous ne les reverrons plus. Ils ont été tués tous les trois le jour de l'attaque. Je suis désolé. Pas mon enfant. Il a souffert. Non, c'est par des Craig. Il n'a pas souffert. Une mort lente et agréable. Il n'a pas souffert. Doublage 2000, hein. Mais quelle merde. Et je pense en plus qu'il devrait souffrir 10 fois plus du dos en ramassant des betteraves toute l'année. Que se faire tuer par un Craig, quoi. Non mais d'un autre côté, c'est pas évident d'annoncer à ta sœur que son enfant et tes parents sont morts, quoi. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Ouais, moi j'aimerais pas être à surtout place. Quand ils se font tuer par des Krugs. Voilà, faut être un peu indulgent. Hein. Bah oui. ensuite c'est l'attaque des forêts, c'est la guerre dans la forêt. Du pareil, du jamais vu. Ah non, là, c'était bien, hein, franchement, avec les lianes et tout. Alors bien, là, hein. Je préviens, je vais spoiler. Mécanique. Donc pour ceux qui aimeraient voir ce film et qui veulent pas que je cache, je vous conseille d'arrêter là. On va avoir une perte d'audience. Jason Statham est le fils du roi. Ce dont tu doutais vraiment pas, puisque dès le début on me disait que c'était un enfant qui avait été amené là par hasard il y a des années, qui avait été adopté par le village. Mais ça, mais tu le grilles dès le début, quoi. Mais non, mais c'est pas possible. Mais ça, c'est parce que tu l'as regardé en accéléré, Greg. C'est pas peut-être. Le dialogue a dû être mangé. C'est pas possible. C'est pareil au moment où le roi est empoisonné et qu'on n'a qu'un seul personnage principal qui est le méchant. Merde, ça va devenir le roi. Dès le début, je me dis, ah putain, ça va devenir le roi. En fait, ça devient pas tout de suite le roi. Je me dis, ouf. Non. Et puis après, hop, rebelote, coup de théâtre, c'est lui qui devient le roi. Oh là là. Donc pendant la scène de guerre, Statham, qui est le fils de roi, est en première ligue. Il va latter tout le monde. C'est un ninja, globalement. Les crocs qui sont primitifs, qui ont découvert l'épée, apparemment, il y a 2 semaines, dans la guerre, dans la forêt, ils ont des méga armes de siège, ils ont des catapultes de feu et tout. Bon, ils ont vachement step up technologiquement. On va voir à peu près toutes les pratiques pour tuer des gens. Il y a du lancer de javelot, il y a du tir à l'arc, il y a de la GRS, c'est vraiment les films, quoi. Hein. Il y a à peu près toutes les activités que tu peux faire en forêt. Donc le peuple des forêts, évidemment, il est là pour les aider. Et là, il y a un moment extrêmement poignant, puisqu'il y a un moment père-fils sur son lit de mort. Ouais. Du jamais vu non plus. Donc aussi, là, on a une heure du film, on apprend qu'il est vraiment le fils du roi, donc déjà on n'y croit pas parce qu'il y a des cheveux, le canapé. Moi j'en étais à 40 minutes, hein, là. Les boules. juste avant la séquence émotion, il y a quand même Jason Statham qui se la joue Matrix, quoi. Ouais, il se la joue Matrix. Oui, c'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde déjà, enfin, je crois qu'on sait déjà que c'est le fils du roi. Et donc, on l'incite à se battre. Mais il se met alors, en première ligne. Il se met en première ligne. Et surtout, personne ne lui file une putain d'armure, alors que tout le monde a des armures. Ouais, lui, là, il est genre full frontal et il arrive dans la forêt. Full frontal. Full frontal to the trees. Il s'appelle Farmer, le gars. Donc, globalement, il ne portera jamais d'armure. Mais concrètement, film où le personnage, il perd M-fils, mais il gagne M-père. Et ça, c'est beau de le souligner, je pense. Je sais pas pourquoi je parle avec cet accent. Parce que t'es marseillaise. Est-ce que tu le fais une fois par podcast? C'est vrai. Et est-ce qu'on fait un petit point minorité à un moment donné? Ah oui. Oui. Tu veux dire comment les deux principaux généraux sont blacks? Voilà. Ouais. Et comment il y a un général chinois aussi avec, avec le neveu? Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il fait du surf? Moi, je suis sûr que non. Mais voilà, après, peut-être que je me trompe. Du coup, il y a un duel, effectivement, entre le général Black, qui a trop la classe. C'est Jay-Z, d'ailleurs. Et qui va affronter le duc du con. Et là, il y a un truc qui m'a fait marrer. C'est que lui, tu meurs d'envie depuis le début du film qu'il se fasse casser la gueule parce qu'il est insupportable. Ouais. Et il a une très belle peau. Et il se bat contre le général Black qui a l'air d'être le héros de l'épée du royaume. Et pourquoi il est aussi fort que lui? L'autre, il a l'air de rien glander, il fait que bouffer du raisin et s'en battre les couilles, et il est aussi fort que le plus grand de tous les généraux à l'épée, quoi. C'est une question de talent, tout ça. C'est un fils prodigue. T'es un neveu. Bon, et là, malheureusement, c'est pas de bol, puisque le roi est mort. Vive le roi. Vive le roi. Range-moi cette chose, citoyen du royaume d'Ève! Soldats du royaume d'Eb, notre bien-aimé roi Conrad est passé dans l'autre monde il y a quelques instants. Oui. Il a été assassiné par son neveu dans le seul but de lui ravir sa place. Comme le veulent nos lois, ce sont les liens du sang qui nous permettent de déterminer qui sera notre nouveau souverain. Laissez-moi vous annoncer de qui il s'agit. C'est le fils caché de Conrad. Camden Conrad, plus connu sous le nom de Farmer. Voilà, donc il n'y a pas besoin de test ADN ni rien. Tout le monde le croit sur parole. Donc c'est le nouveau roi. Ce qui s'appelle une ascension sociale. Hein, parce que, au début du film, il finit roi 40 minutes après. Je note que le doublage de mine n'a pas été à mettre de l'écho pour faire l'ambiance de la forêt, parce qu'on sait tous qu'une forêt résonne. Et surtout, il y a l'air d'avoir 1000 soldats. Le mec, pour se faire entendre, faut un sacré timbre de voix. Hein. Alors, c'est la voix de Morgan Freeman. Excuse-moi de te le répéter pour la troisième fois dans ce podcast, mais quand même. Tu as bien fait de le dire. Il y a l'air d'avoir 1000 soldats, mais en fait, visiblement, ils sont 25. Tu vois dans les images. Donc, Statham, il est roi direct. On apprend aussi en parallèle que la femme de Statham, qui est emprisonnée dans le donjon du méchant magicien, on va bientôt y aller, ne vous inquiétez pas. Eh bien, elle est enceinte. Elle porte le fils du roi. En elle. Et ça, Ray Liotta, il n'y a rien qui l'énerve plus. Après, c'est problème de peau, évidemment. Mais du coup, elle apprend ça, mais alors son premier fils qui est mort, elle n'aurait plus rien à foutre. Ouais, et ses parents aussi, d'ailleurs. Attends, il y en a un nouveau, hein, je veux dire. Elle est avancée dans la vie, il ne faut pas rester sur le passé, quoi. Là, c'est pas mal parce que du coup, Jason Statham, il apprend qu'il est le roi du royaume. Donc, il a à sa disposition, je pense, une armée de plus de 2000 hommes. Et pour aller attaquer le château final, il décide d'y aller avec 3 personnes. Puisqu'il ne prend aucun soldat. Il va prendre le mage, sa fille et le général Black. Ouais. Qui vont servir à rien puisqu'ils peuvent, ils peuvent même pas rentrer dans le château puisqu'il n'y a pas de porte. Globalement, c'est un roi tout pourri. Ah oui. Ah ouais. Non, mais t'as la scène la plus ridicule du film. Où t'as les deux mages qui se battent sans les mains, quoi. Ah, tu veux dire les deux mages un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, hein. Duel d'épée volant. Non, mais c'est ridicule, ce truc-là, quoi. Alors là, vraiment, là, c'est pas FX 2000, c'est FX 3000. Parce que là, franchement, là, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont tous les deux se regarder les yeux dans les yeux. Non, je pense que l'un des mages regarde les problèmes de peau de Valiota. Et ensuite, devant eux, il y a deux superbes épées en 3D. Je pense que celle dans Roger Rabbit est mieux faite. Et ça fait ching, ching, ching, ching. Et puis à un moment, elle va tuer l'un des deux mages sans raison. C'est poignant. Et là, il va y avoir un moment, pareil, du jamais vu, un moment père-fille. Puisque comme il va mourir, sa fille, elle va arriver au même moment. Et il va y avoir la même scène qu'il y a eu avec James Statham et le roi, genre, genre 10 minutes avant, la même avec le fille, enfin la fille et son père, le magicien. Alors un truc qui n'existe pas par contre dans le Seigneur des Anneaux, ça a été rajouté, ça, je suis très content, le transfert de pouvoir avant la mort. Ah ça c'est pas mal hein. C'est-à-dire je suis en train de mourir, tiens vite, prends vite mes pouvoirs. Sans orage tu veux dire. C'est un peu la comme la migration de données. Sans orage. Sans orage. Mais là ils avaient cassé le budget donc. Ouais, c'est vrai. Et à la fin. Mais elle s'appelle Muriela quand même. Hein. C'est pareil, moche comme prénom Muriela. Mais c'est pareil, ça revient à la mode hein. Ouais Muriela ouais. Ursula aussi revient à la mode. Et à la fin c'est le duel final avec la tempête de livres. La semaine dernière on s'appelait tempête de requins, là c'est une tempête de bouquins. Tempête de livres, pourtant c'est assez efficace d'habitude. Là je ne sais pas pourquoi ça marche pas contre le roi quoi. Là, ouais ça m'a fait un peu penser à Harry Potter pour le coup là. Ah ouais. Moi, ce que je veux dire, tu l'aurais cherché ailleurs. Tu vas dire qu'il aurait vu un autre film que Le Seigneur des Anneaux. Ah, ou un peu Merlin l'Enchanteur, tu vois, avec les. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il a quand même 150 000 bouquins qui tournoient. Il n'en a pas un sur la dermatologie pour se prendre deux. Moi, en fait, j'imaginais le réalisateur pendant le tournage, tu sais, avoir un deuxième petit écran avec Le Seigneur des Anneaux qui tourne et qui fait non, on va la refaire, ça ressemble pas à assez. moi, ce que je comprends pas, c'est que le magicien, il a l'air d'avoir vraiment tous les pouvoirs. Ouais, que Farmer se bat à main nue au début. Et pourquoi il fait une tempête de livres nulle et en plus, il fait tourner la tempête autour de Jason Statham, ce qu'il le touche jamais. Ouais, c'est un peu nul. Hein, parce que c'est peut-être la meilleure façon pour vaincre Jason Statham, c'est avec des livres. Bah, on dirait pas. Eh ben, détrompe-toi, je crois qu'il a un doctorat en dermatologie. Bah. Non, ça. Mais c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus efficace de faire les épées téléguidées parce que globalement t'en mets 15 contre un gars qui a pas de pouvoir, ça lui laisse pas beaucoup de chance. Après, si tu me fais les livres, évidemment, c'est pour faire durer le plaisir et bon, bah voilà, ça le tue pas tout de suite, quoi. Et puis ça va même pas le tuer du tout puisque il va mourir. Je me souviens même plus s'il y a une scène finale où vive le roi ou pas du tout. Bah, des fois ils sont même chauds. Non, mais moi je dormais pour un. Non, mais la scène finale, c'est Jason Statham qui retrouve sa nana. Et qui lui dit je t'aime, hop hop hop, petite séquence émotion parce qu'il lui a demandé au début machin, et là d'un coup retour du soleil. Ouais, il faut quand même dire aussi que c'est sa femme qui va planter le David Copperfield Patrick Swayze. Ouais. c'est vrai. Mais en l'annonçant bien avant genre et la vengeance d'une femme. Ah maman, je l'avais pas vu venir. Voilà, bah c'est et ça. Donc il emmènera dans sa tombe ses problèmes de peau. Puisque je vous invite à aller googler Ray Liotta, vous allez voir, c'est une catastrophe. Ce film, je pense que c'est l'un des pires qu'on ait fait sur la planète Terre. Alors moi, je tiens à dire que c'est le pire. Alors moi, j'ai une précision à faire, parce que pour avoir fait les commentaires, ça revenait souvent, les gens ont l'air de dire que c'est son meilleur film au réalisateur. Non, mais apparemment, ses autres films sont pires, donc moi, j'aimerais bien voir, je suis assez curieux. La question que je me pose, c'est à quel moment tous ces acteurs-là se sont dit « Ouais, franchement, je suis chaud, c'est pas mal. Bah, » À quel moment ils ont décidé de continuer pendant le tournage? Non, mais c'est sûr qu'on va faire ça, là, ça craint. Ça, c'est l'effet de groupe. Il suffisait qu'il y en ait un qui dise « Oui ». Pour que les autres disent, pourquoi pas, si lui il a dit oui, ça marche comme ça dans l'histoire du cinéma. Il y a quand même un 2 et un 3, quoi. C'est ça le pire. Ouais, ça mérite. Hein. Ouais. Et moi, je sais pas, j'ai regardé la fiche Wikipédia du réalisateur, il y a quand même marqué qu'il y avait une pétition contre lui pour qu'il arrête le cinéma. Je lui dis, tu peux nous en parler peut-être, non? C'est drôle, ça. Oui, je peux te confirmer que tes sources sont bonnes, hein, Wikipédia, toujours une vraie source d'inspiration. Alors les enfants, n'hésitez pas à utiliser Wikipédia pour vous résumer en français et en histoire géo. Souvent, ce qui revenait, c'est que c'était un peu le Ed Wood moderne. Quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Il est considéré comme un genre le plus mauvais réalisateur aujourd'hui. Après, je vais pas rajouter Tu as vu d'autres films, toi, Julie, toi qui... Non, je m'en suis pas infligé d'autres. Mais vu que à quel point j'ai aimé celui-là, je pense que ça va continuer. Eragon, tu l'avais pas vu, Eragon? Non. Mytho. Donc, non, je te promets que non. On enchaîne, vous l'avez compris. Mais on le mettra dans le chapeau, si tu veux. Terrible merde. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, 953 commentaires 5 étoiles, King Rising. En fait, il y en avait 3, les voilà. Alors, en fait, j'en ai plus que ça, puisque j'ai 3 commentaires 5 étoiles et 3 commentaires 0 étoiles. Ça commence fort avec une critique de couilles bleues. Donc, je lui suggère d'aller voir un médecin. Mais pas le même que... Pas le même que celui de Rayota qui a une mauvaise peau, en fait. Qui dit vraiment un très bon film d'action, 5 étoiles. On a un visiteur qui met encore 5 étoiles. Il parle bien de King Rising. En toute honnêteté, je ne m'attendais absolument pas à ça. Ce film est vraiment excellent. On a une bonne histoire, des bons personnages et une réalisation très bien tenue. 5 étoiles. Oh putain. Ensuite, on a Petite Fille qui nous pond un commentaire incompréhensible. Qui commence par dire « Oh, je suis en général pas vraiment film de KPDP. Moi, les mousquetaires, ça fait pour moi. Hein. En ce moment, c'est mousquetaires. Oh, j'aime pas ça, moi, les films de KPDP. Oh, les films de mousquetaires, c'est pas mon truc. Oh, je m'ennuie. Surtout quand ils ont une mauvaise peau. Elle dit « Peu importe les époques de date de sortie. » Mais c'est un rare film de ce style que j'ai apprécié. Bon, remettre au commentaire parce qu'on comprend pas ce que tu dis. Hein. Commentaire 0 étoile. On a 3. On a Monsieur Boogaloo qui nous dit « Se serait-on moqué de moi ?» J'ai déjà vu Le Seigneur des Anneaux. Pas besoin de m'en proposer un remix. De très mauvaise facture, qui plus est. Oh, il a le nez fin, lui. Hein. Je vais pas m'étaler à faire des comparatifs, hein, mais vraiment, ce film n'a aucun intérêt. Tout, absolument tout, est du déjà vu. Hein. À noter que les acteurs ne font rien pour hausser le niveau. Une chose m'aura tout de même marqué, la fin. Hein. Jamais je n'ai vu aussi soudaine et aussi mauvaise fin de ma vie. À croire qu'ils avaient épuisé le budget et qu'ils n'avaient plus un sou pour faire 2 minutes de plus. 5 étoiles. Ouais, apparemment, ils en ont fait 30, Julien, tu les as. On a Bribri76 qui nous dit, 0 étoile toujours, soyons objectifs, le réalisateur doit se droguer. Le réalisateur le plus nul que j'ai vu. Mais les plus idiots sont ceux qui lui ont confié 60 millions de dollars. Putain. Et 60 millions. Et bravo. T'as les chiffres, toi, Julie, ou c'est bien ça ou... C'est ça, oui. C'est vrai Non, je sais pas. Mais j'imagine que oui. Et je suis anecdote, hein, moi. Je suis pas budget. Hein. C'est pas moi qui suis en charge. C'est Greg, budget. 60 000, apparemment, ça dépasse un peu. Quoi. Bon. Bah, il restait 45 pour euros. Pour faire les 30 dernières minutes, ils ont rallongé. Ouais, ils ont rallongé. Mais bon, c'était demandé. Et bravo à ceux qui ont mis 4 étoiles. Ils doivent avoir le cerveau en compote, cordialement et à bon entendeur. 0 étoile. Et enfin, on a les critiques de Mike Rouston, qui doit être un cousin plus ou moins éloigné de Didier Embrouille, qui dit « Est-ce qu'il a vu son film ? Il voit pas le problème ! Donjons et Dragons, qui est bien pourri, à côté c'est Citizen Kane ! On sait où t'habites, mec ! On va venir se faire rembourser ! En fait, on est en chemin, là ! Et à tous ceux qui veulent voir King Rising, allez aux putes ! C'est 0 étoile. Mais j'aime bien ces commentaires-là. Hein. J'aime mieux ces commentaires-là que les problèmes de peau de Riolota. C'est le moment de tirer 2 films au chapeau. J'aimerais en tirer un cette semaine. Ah, moi, ça fait super longtemps que j'ai ouais, pas c'est vrai. Bah, vous deux, voilà, regardez. Alors voilà, je rappelle. Je peux vous avouer un truc. J'ai jamais vu Seigneur des Anneaux, mais ça m'a pas du tout donné envie, du coup. Bah, je peux t'assurer que c'est presque la même chose, hein, finalement. Alors, juste un petit mot aux auditeurs qui ont peur de voir que le chapeau n'est pas remis à jour. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'ils font une proposition, c'est mis dans le vrai chapeau, qui n'est pas virtuel, qui est un vrai chapeau, enfin, qui est une trousse. Et que c'est vrai qu'on met un peu du temps à mettre à jour le fichier sur le site. Explique bien tout ça, hein, Mickaël. Hein. Voilà. Donc, en gros, donne la couleur de la trousse aussi. Alors, pourquoi tu casses le mythe du chapeau comme ça? Je rappelle que si vous voulez mettre un film dans le chapeau, un commentaire 5 étoiles sur iTunes avec le nom de votre film. Et Greg, tu as tiré un film. Ouais, est-ce que tu nous le lis? Bah, je vous le dis avec plaisir, c'est Air Force One. Ah, trop cool. C'est par Pierre Nico 67. Merci Pierre Nico 67. Ah, des avions. J'avais trop envie de le revoir. Ah, Barbara est contente. Ah, des avions contente. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un film d'avion. Bon, j'espère que c'est le baltringue. J'ai tiré un film, messieurs dames, attention, suspense. Sharknado. Left Behind de Monsieur Nestor. Je sais même pas du tout ce que c'est. Mais Mister. Oh là là, ça va dans du lourd, quoi. Ouais. Personne connaît. À mon avis, c'est une sombre daube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Air Force One. Je crois que c'est un président dans un avion en détresse avec Harrison Ford et c'est une sombre daube. Ah, ça va être cool. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.